à toutes et à tous. On se retrouve pour l'émission livresque Préface pour parler bouquins autour de thèmes variés, tout ça avec des propositions musicales. Et aujourd'hui, on est toujours à la maison pour parler idées lecture. C'est parti! D'habitude, je vous parle de deux livres sur un thème unique. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose de découvrir deux ouvrages qui n'ont rien à voir entre eux, à part le fait qu'ils sont tous les deux passionnants. Je vais donc vous présenter le manga Drifting Dragons et le roman Ravage. Drifting Dragons est un manga de Kuwabara Taku, édité chez Pika, que je remercie pour l'envoi. Je vous lis le résumé. Autrefois, nombreux furent les aventuriers à se mettre en quête des dragons colossaux qui se dissimulaient dans les cieux. Aujourd'hui, le Queen Zaza est l'un des rares dirigeants dragonniers encore en activité. Chacun a ses raisons d'embarquer et de poursuivre les dragons qui sillonnent les mers de nuages, pour l'argent, pour fuir la vie terrestre ou pour les denrées que ces créatures offrent. Mais à chaque voyage, c'est la vie de tout l'équipage qui est en danger, entre tempêtes effroyables, attaques de pirates de l'air ou traques de dragons hostiles. Drifting Dragons nous amène donc à bord du Queen Zaza, où on suit le quotidien des membres de l'équipage, au caractère varié, comme la nouvelle recrue Takita, maladroite mais pleine de bonnes idées, ou encore l'intrépide Venturepet qui lui sert de camarade. Ils sont tous sur ce dirigeable pour différentes raisons, mais la chasse aux dragons les rassemble et les motive d'un même enthousiasme. L'aventure que constitue chaque chasse apporte son lot de joie, de regrets et d'exaltation. J'ai beaucoup aimé ce manga, surtout ses dessins, qui sont magnifiques à mon goût. On a vraiment l'impression de se promener à travers les nuages, et les dragons sont superbement bien dessinés. En plus de cette fantaisie très bien tracée, l'allure un peu steampunk du manga ajoute une touche de folie et de créativité qui est très sympathique. Donc j'attends la suite avec impatience, et une série animée est en cours de préparation, donc j'ai aussi hâte de voir le résultat à l'écran. Et pour rester sur ces notes positives, on va écouter High Hopes de Panic at the Disco. On se retrouve juste après. Always had high hopes. Had to have high hopes. La deuxième lecture que je vous conseille aujourd'hui, c'est le premier roman de Barjavel, qui date de 1943, Ravage. On abandonne la fantaisie pour se consacrer à la SF et à du post-apo. Ravage est une dystopie qui remet en question les usages des progrès techniques et scientifiques par les hommes. On suit François Deschamps, un jeune homme de 22 ans qui débarque à Paris dans l'attente des résultats du concours d'entrée d'une école réputée de chimie agricole. Il profite de sa venue pour revoir son amie d'enfance, Blanche, qui entre-temps a débuté une carrière de mannequin et d'actrice, et dont la main a été demandée par un riche producteur de films. Mais François n'a pas le temps de s'apitoyer sur son sort que l'électricité s'éteint. L'attaque de masse entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud s'est répercutée en Europe et en France, où les centrales nucléaires ont cessé de marcher. Plus rien ne peut fonctionner. Ni les portes, ni les ascenseurs, ni les voitures, ni même l'acheminement de l'eau potable. La société s'effondre en même temps qu'un gigantesque feu se déclenche au sein même de la ville parisienne. Un feu impossible à arrêter car l'accès à l'eau est bloqué. L'incendie se propage et menace l'intégralité de la ville et de ses habitants. Les habitants sont d'ailleurs dans la folie et le chaos est maître. La technologie les a quittés et soudainement, ils reviennent à l'âge de pierre. Ils ne peuvent plus se nourrir, leurs morts éternisées par la technologie sont touchées par la décomposition et les maladies et les manques se propagent. La nature reprend ses droits et la France n'est plus qu'un vaste territoire désertique. Les jeunes gens fuient et on suit leur exil à travers la France pour rejoindre le village natal de François et Blanche dans le sud-ouest de la région lyonnaise. Ravage fait le portrait d'une civilisation perdue dans ses technologies, contrainte à revoir son fonctionnement pour survivre, abandonner la technologie pour retravailler à la main les champs, abandonner les rêves futiles d'immortalité des corps pour mourir dignement et ne plus être exposé aux yeux de ses descendants. C'est un roman très intéressant qui remet en question notre façon de vivre et d'appréhender notre société. Il ne faut pas tout miser sur un même cheval finalement, il faut garder des alternatives. Pour clore cette émission, on va écouter Immortals de Fall Out Boy qui résume bien l'amour qui lie les deux personnages principaux entre eux. A tout de suite. Voilà, c'est sur cette musique que l'émission se termine. J'espère qu'elle vous aura donné envie de lire ou relire ses œuvres, ou qu'elle vous aura fait découvrir de nouvelles choses. Le premier tome de Drifting Dragons de Kuwabara Taku est disponible aux éditions Pika au prix de 7,50€ et Ravage de Barjavel est disponible en poche aux éditions Folio au prix de 8,50€. Voilà pour les informations pratiques, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et bonne lecture. Salut !